Bienvenue au 19e épisode du podcast des mots. Ce podcast n'est pas recommandé aux enfants. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais maintenant vous parler de ça, ou It, d'après le roman de Stephen King. La première partie est sortie en 2017. Cette adaptation du roman de Stephen King se fait en deux films. Elle a décidé d'adapter l'histoire différemment de la mini-série en deux téléfilms datant du début des années 90. Le livre est en deux parties. Une, lorsque les personnages sont des enfants, et l'autre, quand ils sont adultes. La précédente adaptation se passa à l'époque où les personnages sont des adultes, avec de très nombreuses scènes en flashback de quand ils étaient enfants. Ce n'est pas nécessairement un mauvais choix. Cela permet même de faire très facilement des ellipses temporelles et donc couper un peu dans le gras. Bien évidemment, de nombreux détails passent à la trappe, certains de manière un peu dommageable, mais c'est compréhensible. Par contre, la fin est un peu décevante, surtout en comparaison avec l'excellente fin originale. Quoique non, je ne parle pas de la toute dernière scène du film qui adapte très bien la même scène du livre. La nouvelle adaptation étant deux films pour le cinéma, le premier à l'époque où les personnages sont enfants, et le second sera bien sûr une adaptation de la deuxième partie du livre, quand ils sont adultes. La première partie est assez réussie. Il y a encore une fois des détails qui passent à la trappe, parfois de manière dommageable, mais ça reste toujours compréhensible. Je trouve l'histoire pas mal aussi bien menée que la précédente adaptation, par contre le visuel est bien sûr beaucoup plus recherché. Comme la précédente adaptation, l'histoire a été transposée à une époque moins ancienne pour les enfants et bien sûr actuelle pour les adultes, logiquement. Mais cela se remarque plus de par le plus grand écart temporel depuis l'apparition du livre. Ce premier film se passe donc dans les années 80, très bien représenté il me semble. Mais si le film est bien réussi, il y a de très bons moments, un bon casting et un visuel plutôt intéressant, le film souffre d'un défaut terrible, l'abus de jumpscare, avec des éléments effrayants balancés partout et le niveau sonore vraiment abusé. Cela donne donc un film assez bien, mais très améliorable, en espérant que la suite sera meilleure. Pour ceux qui se souviennent de mon classement, je donne 5 sur 5 aux chefs-d'œuvre, 4 sur 5 aux œuvres qui se démarque particulièrement, 3 sur 5 au bon divertissement, 2 sur 5 aux œuvres moyennes, et 1 sur 5 aux œuvres qui sont mauvaises, avec bien sûr un 0 sur 5 à ce qui est nul à chier tel que la présidence de Trump. À la première partie de It, je donne la note de 3 sur 5. It Chapter 2. La première chose qu'on remarque en voyant ce film est le manque de cohérence avec le premier. Le roman de Stephen King est en deux parties. Une à l'époque où les personnages sont enfants et une où ils sont adultes. La précédente adaptation, sous forme de mini-série en deux téléfilms, raconte la période où les personnages sont adultes avec de nombreux flashbacks de la période où ils étaient enfants. Le précédent film, dont celui-ci est la suite, raconte la période où les personnages sont des enfants. Celui-ci aurait dû raconter la période adulte, mais c'est comme la précédente adaptation. C'est la période adulte avec des flashbacks. Aussi, Le précédent film se préoccupe surtout de bien définir ses personnages, avec un visuel léché et un peu trop de jumpscare. Cette suite ne présente pas trop de jumpscare, heureusement. Le peu qu'il y en a n'est pas réussi de toute façon. Le film joue pas mal dans le cheesy par moments, vraisemblablement voulu, ce qui rapproche aussi ce film de la mini-série. Par contre, les personnages ne sont pas très approfondis. Les flashbacks n'apportent généralement pas grand-chose de neuf aux personnages ou pour l'histoire, sauf dans certains cas. Ils occupent aussi tellement de temps dans le film que nous n'avons plus vraiment le temps d'approfondir la vie des adultes. Le film perd aussi pas mal de temps par moment, ce qui n'empêche pas l'histoire d'assez bien s'intriquer. Cela marche mieux que la précédente version, avec plus de cohérence, notamment pour la fin, malgré certaines similitudes, ce qui peut surprendre. Certains éléments d'intrigue se retrouvent dans l'une version et pas dans l'autre, comme ce qui arrive à la femme de l'écrivain qu'on voit dans la mini-série, ou bien la cérémonie amérindienne qu'on voit dans ce nouveau film. Ce sont des éléments qui sont intéressants, mais cette version corrige, à mon avis, le principal défaut de la précédente, le manque de temps pour respirer un peu, pour instaurer l'ambiance, avec une fin qui marche mieux en plus. Ce deuxième film est décevant par rapport au précédent, parce qu'il n'est pas du même niveau, mais cela ne l'empêche pas d'être un divertissement honnête. Je lui donne donc un 3 sur 5. Donc, la nouvelle version de Hit de Stephen King, ça vaut un 3 sur 5, ce qui est honorable. À la prochaine.